Malheureux de l'époque, on n'avait rien dans le froc. En cas de besoin, on pouvait toujours compter sur nos potes. On aimait bien se poser à 10 sur un banc, écouter les histoires que nous racontaient nos grands. On aimait bien pendant des heures jouer aux quatre bancs sans se douter qu'il y a le crime qui tourne gentiment. Mais comme des gosses, on s'y est approché lentement, malgré les mises en garde et les avertissements. Les grands qui pointaient à longueur de journée pour essayer de ramener de la thune au foyer. Nos darons à l'usine se niquaient la santé pendant que maman à la fenêtre criait. Ce son c'est pour les frères qui manquent à l'appel et aux potes enfermés qui purgent de longues peines. Assaillants et vaillants, j'anime plein de haine, la foule en délire quand je pose sur scène. Je m'empare du micro, je suis la plume du ghetto pour représenter les âmes de ces frères partis trop tôt. Moi quand je pose, y'a les fous qui se sauvent. Mais t'inquiète, dans ma prose, je balance la sauce. Je m'empare du micro, je suis la plume du ghetto pour représenter les âmes de ces frères partis trop tôt. Moi quand je pose, y'a les fous qui se sauvent. Mais t'inquiète, dans ma prose, je balance la sauce. On prenait des collants et les mettait sur nos faces en espérant que plus grand on brasserait des liasses. Mais dans la rue, nous on vit en attendant que ça se passe. On matait les allers-retours de ces chiens de la casse. Si tu n'es pas du ghetto, ne cherche pas à comprendre. Beaucoup de gens sur ce son pourraient se faire prendre. Mais sur ce beat tragique, moi l'inspire, je viens prendre pour emmener les miens loin de cette terre suffocante. On n'écoutait pas la prof parler à l'école, on préférait galérer pendant les heures de colle. Nos premières fois, on les a fait avec des salopes, sans même vérifier l'état des capotes. On était fiers avec au pied les dernières athémies, les bas mal assemblés que nos mères achetaient baldis. Des maillots pas repassés, mal lavés par la machine, des chaussettes trouées aux couleurs désunies. Je m'empare du micro, je suis la plume du ghetto pour représenter les âmes de ces frères partis trop tôt. Moi quand je pose, y'a les fous qui se sauvent. Mais t'inquiète, dans ma prose, je balance la sauce. Je m'empare du micro, je suis la plume du ghetto pour représenter les âmes de ces frères partis trop tôt. Moi quand je pose, y'a les fous qui se sauvent. Mais t'inquiète, dans ma prose, je balance la sauce. Je m'empare du micro, je suis la plume du ghetto pour représenter les âmes de ces frères partis trop tôt. Moi quand je pose, y'a les fous qui se sauvent. Mais t'inquiète, dans ma prose, je balance la sauce. Un peu on a grandi et penché vers le business, vendre du shit, de la beuh ou de la cesse. En voyant tous ces grands conduire des grosses caisses, on imaginait le paradis peuplé de gens célestes. Oh, de l'époque à maintenant, mec reste fidèle à toi-même. C'est Marouane et c'est pour tous les gens de Saint-Texte.